is la mort qu'on l'aime. Pas même un petit compas, messieurs, ça et pourtant, une toile vous fait moins content. Bon Dieu, m'y encore pas tombé. Et la gazelle, s'il est dansé, Timis la garde moi. Les Timis, c'est ou pas bien, gardez-moi. Pas qu'à non, c'est compas. Cherchez mon gars des cités, si je ne vois l'effet. Mademoiselle va les tendre en bien, pourquoi qu'à trouver ça bien. Hypopté, bien poudré, rapide bien escampé. Si vous comprenez, c'est qu'on va y que danser. Sont-ils ouverts? À de vous plaît.